Et puis alors je prends tout, et puis j'essaie d'en faire une pièce. Et alors, à ce stade-là, je suis seul, enfin. Seul, avec, malgré tout, une documentation, mais on peut considérer que cette documentation, l'écrivain de théâtre, disons, à sa table, qui n'entre pas dans ce type d'aventure, peut très bien avoir une documentation tout aussi importante, etc. etc. Donc, et alors là, c'est le point, je veux dire, inexplicable un peu de l'aventure. C'est-à-dire que, bon, je me mets là, et puis j'écris. J'écris à partir de ce qu'eux ont fourni, en conservant leur personnage. D'ailleurs, leur personnage, toujours le qui je suis est donné en entier, et le qui m'adresse est donné en entier. C'est-à-dire que ils vont, devant le public, les deux piliers, disons, de base de la construction dramatique sont donnés en entier. Ils donnent leur nom, prénom, âge, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Et pourquoi ils le font. Pourquoi ils traitent ce sujet-là. Qu'est-ce qui vient ? Pas moi. Ou si je viens, c'est en tant que Macno. Je descends du train, je vous vois, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu branler ici ? Ils ont besoin ni de me voir, ni de me toucher. Et je n'ai pas de compte à la rame. Je prends le passage souterrain. Je monte sur le bouquet et je prends aussi sec le premier train en direction de l'Ukraine, quoi qu'il arrive. À la gare, il est seul sur un banc. Les gens vont et viennent. Lui ne sait pas où aller. Un train arrive, un autre repart. Il pleut. Magno attend. Qui ? Il y a quelqu'un qui lui frappe sur l'épaule. Si vous me demandez qui a écrit la pièce, je peux vous répondre moi. Si vous leur demandez qui a écrit la pièce, ils vous répondent nous. Hé, hey, maintenant, c'est dur de prendre connaissance de tes murs. Où suinte encore ta présence. Seul, sur une banquise qui dérive, par-delà toutes les mises à mort que nous seul, sur une banquise qui dérive, Jean-Michel. Par-delà toutes les mises à mort que nous avons essayé de faire avec nos sabres en bois, Georges, et nos pistolets de paille, la banquise le conduit dans la nuit, on ne sait où. Elle dérive, il est seul. Tant de batailles, tant de blessures. Il entend toujours les chants d'espoir qui viennent de là-bas. De nouveaux pouvoirs s'enivrent sous les étoiles, et il est seul, sur sa banquise. C'est certainement la mort. La mort. Nous n'avons pas d'autre pays où règne l'égalité. Il n'y a pas d'autre pays où règne l'égalité. Maintenant est mort. Il est maintenant dans une boîte, Père Lachaise. Mais nous, on n'est pas mort. Personne ici n'a poussé plus avant que ce mort du Père Lachaise. Un oiseau des tempêtes est venu mourir dans une journée de loulou. Un oiseau des tempêtes est venu mourir dans une journée de loulou. Jusqu'où un oiseau des tempêtes peut-il déployer sa détresse? Peut-être. Peut-être là commence notre liberté. Notre émission, tu veux dire? C'est la même chose. Finale des groupes d'improvisation pour le Midi-Pyrénées. Trois groupes, les analphabètes, les psychiatrisés et les relégables. Dans la deuxième expérience, on a essayé de confronter ces, qui je suis et à qui je m'adresse à un événement historique tout à fait inconnu. C'était la lutte anti-franquiste, cette guerre d'Espagne clandestine qui s'était continuée après la guerre d'Espagne. Sujet tiré au sort, le dernier maquis, époque entre la Grande Guerre et nous. Lieu, les Pyrénées, avec Barcelone à un bout et Toulouse à l'autre. Personnage, les guerrilleros. Esto pertenece a Dorruti. De guerrilla urbana. Des groupes d'action qui partaient en Espagne. C'était une boîte à lettres à la maison. Contrastaba la sensibilidad suya. Lo que se contaba ya, de ellos. Ya, Kiko no lo conocí. Lo que se contaba conocí de ellos. Un poco más, Ángel. Al verlo a él, había veces que tú mismo te decías, es posible. Una especie de misticismo que se ha perdido. La única obsesión era ir a España. Como documentación llevaba una pistola y dos bombas de mano. Avec le dernier maquis, on a essayé de faire un film. Le dernier maquis est entièrement articulé autour des derniers guerrilleros qui ont écrit en Espagne durant les années de fer et de garrot du franquisme, sans doute les plus belles pages de l'histoire de l'imprimerie. Dans ce dernier maquis, ce sont les vaincus qui prennent la parole. Que la guerra para él no había terminado. Cuando yo volví de España, subí con Catalá. Aquí le he visto a Catalá algunas veces, a Ramón también, a Massana, a paserías. No tenía ningún contenido ni podía tener ningún resultado eficiente. Ce qui était l'enjeu dans le film, c'est que par une sorte de différents espaces d'image, on arrive à suivre complètement le cheminement de l'écriture. Ça veut dire en passant, disons, des qui suis-je, qui étaient des sortes de clips sur lesquels on avait travaillé ensemble avec les loulous pour qu'ils arrivent au mieux de leur image, en passant immédiatement à des séquences qui étaient le témoignage sur les personnages, qu'on a à ce moment-là traité comme des séquences de reconstitution historique, ou les jingles qu'ils avaient composés, qui étaient là des vrais clips musicaux, de façon à ce que visuellement, on arrive à identifier immédiatement les strates d'écriture dans lesquelles toutes ces démarches ont circulé pendant 6 mois. Je suis Jean-Serge, groupe des psychiatrisés. Je suis fiché, parqué, catalogué et numéroté dans la catégorie des fainéants. L'histoire du dernier maquis, ça a fait remonter l'Espagne à moi. Mais pas comme mon père. Lui, il est atteint de la folie des grandeurs, pas moi. La vue plongée, la drogue, une façon de s'échapper et de trouver l'angoisse quand il n'y a plus d'effet. L'angoisse la plus grande, c'est la désintoxication. J'étais faible, je le suis encore. Devant moi, il y a le néant, je vais y tomber, je le sais. On me propose la construction de la ville utopique. Je n'ai pas encore compris si c'était la drogue ou la cure de désintoxication. Retour en France, complètement accro, depuis un peu insensible. La vie là-bas, la psychiatrie la considère comme une fuite, moi comme un refus. Je n'ai rien à foutre de construire un maquis, de me rapprocher de gens qui faisaient des cases pour donner le fric à un parti ou à une organisation. Je trouve ça complètement débile. Alors qu'est-ce que je fais dans cette équipe? C'est mon problème. Les révolutions perdues. Te voici depuis combien de temps devant leur bataille? Sans doute existe-t-elle, mais comment? Vient-elle de ces rencontres blanches, sans traces d'armes à l'intérieur, ou bien s'est-elle imposée comme un droit à reconquérir chaque jour? Est-ce une bataille de l'intérieur ou bien de l'extérieur? Continue-t-elle lorsqu'il n'y a personne à la faire, ou croyant la faire? est-elle songe et balbutiement d'ombre qui se refuse à périr, citoyenne d'une question inachevée? Chaque année au printemps, l'oiseau peinera pour dégager son chant de la gangue primitive. Plus le chanteur est grand, plus dur est le labeur. Pendant des semaines, le gosier devrait être assoupli. C'est en janvier, par les soirées douces, avant le coucher du soleil, que le merle étudie. Vers le même temps, l'alouette, en de courts vols, laisse tomber quelques bribes de chant. Je voudrais m'adresser au guerrieros. Le guerriero a sa façon de parler. Lorsque dans la montagne, je lance des pierres dans le ravin, il en monte une longue plainte. La façon de parler du guerriero, c'est l'écho. D'un rocher à un autre, j'ai l'impression de m'enrichir d'un grand trésor, la mémoire. Je sais ce qu'est la montagne. C'est un labyrinthe où chaque chemin peut cacher des tombeaux inexistants. Et c'est à ce labyrinthe que je m'adresse. J'aurais voulu m'adresser à l'homme qui m'a mis au monde, dont j'ai le sang et dont j'ignore tout, sauf qu'il est un salaud, bien que celui qui l'a remplacé comme père a le même sang que lui, du même pays, le sang et le pays des guerrieros. Alors je préfère m'adresser au clochard qui squatterise l'entrée de l'église de la rue du Thor, le litron à côté, un sourire amusé aux lèvres et comptant son argent dans un rayon de soleil. Un maquis probable. Ça se comprend très bien. Lorsque les premiers contacts, on a essayé de trouver les quelques survivants de cette aventure guerriero en Espagne. On a essayé de retrouver de façon... Et alors, toutes les fois, il y avait une espèce de méfiance automatique. Sauf un passeur. Le passeur, celui qui a passé toutes les personnes, qui a survécu, qui, lui, est rentré dans l'expérience. Et pour la à travers de la montagne jusqu'à un village qui s'appelle Aiguafreda. En Aiguafreda, on a pris le train et on a descendu à Barcelona. Alors, on a rentré dans le moviment que le Liberto y avait ya déjà organisé. Il restait peut-être 3 mois et la mission de cet groupe il a été d'aller jusqu'à Blanes, monter et descendre à Barcelona pour la montagne, pour qu'on attendait une grande barque qui va ramener ou va amener de matériel pour la résistance. Un homme extraordinaire de 77 ans, et on l'a filmé, 75 ans, on l'a filmé, il est parti de Toulouse à pied, et il a fallu le suivre jusqu'à Barcelone. Parti. Et par tous les endroits, partout où on est passé, par toutes les planques, les caches, les machins, surtout les enterrés tout au long. Enfin, il y en a. Chaque village, se prit par une patrouille de guardia civile ou autre chose, etc. Donc, il y a toute une. Et puis, Barcelone, tout le tour de Barcelone, là où un tel est tombé. Il, le passeur. Lui, dans sa démesure. Nous, derrière cette démesure. Le suivant, image par image, sans jamais le trouver. Mais sachant qu'il n'y a pas d'autre route pour se rendre sur les lieux de la bataille aux dizaines d'identités que celle du passeur. Une part, libertaire en exil aux quatre coins du monde. Une part, combattant sur l'horloge espagnole. Une part, émigré vers d'autres combats. Une part, emprisonné dans les passages des montagnes. Une part, coincé dans les strophes de l'international. Chaque fois, il y a une part en trop. Après, quand je suis arrivé à Toulouse, et j'ai parlé avec les copains du comité, ils m'ont demandé si je voulais continuer d'aller en Espagne. Alors, j'ai commencé à descendre à Barcelona et monter moi tout seul pour m'apprendre moi mon chemin, pour pas continuer le chemin des autres. Alors, à ce moment, je montais, je descendais pour mon compte, à San Oquena, aux responsabilités avec l'organisation. Quand je suis et quand je me fais mon chemin, le mien, alors j'ai dit à les copains de coordination, maintenant je suis prêt à descendre et à monter à Barcelone. Là. Alors, en ce moment, on s'est mis d'accord et de ce moment, j'étais en agent de liaison, comme on dit. C'était cette fabuleuse histoire des guerrilleros espagnols, c'est-à-dire une fois la guerre finie, tout ce qui s'est passé entre Toulouse et Barcelone, à travers les Pyrénées, enfin, et qui ont été exterminés jusqu'au dernier, avec, malgré tout, même dans l'anonymat dans lequel s'est déroulée cette guerre-là, qui, à mon avis, est presque une guerre culturelle, parce que tout s'est joué autour de l'imprimerie. L'espace et le temps sont à nous, cicatrisés, relégables, analphabètes. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Mais à quel prix? Attention, hôpital! Silence! Interdit de scanner! Interdit de baiser! Interdit de crier! Interdit de crier! Les psychiatrisés! Étrangers, réfugiés, apatrides, analphabètes! Relégationniste perpétuel, monomaniaque. Disons, le côté dont je parlais tout à l'heure, qui était celui, du moins, d'éviter le misérabilisme de l'existence dans laquelle ils étaient cantonnés, là, on l'a gardé. Parce que, à peu près, plus de la moitié avait fait des casses. Et alors, il y avait, disons, avec le langage des anarchistes, de tous ces guerrilleros, etc., il y avait évidemment des ressemblances. Enfin. Et alors, là-dessus, par exemple, je me souviens que pendant 15 jours, tout le problème a été d'essayer de leur faire comprendre que ce qu'ils avaient fait et ce qu'avaient fait les guerrilleros, il n'y avait aucun rapport. Et pourquoi? Parce qu'ils donnaient l'argent à l'organisation. Et ça... Monsieur Gatti, ça va pas la tête, non? Oh! Hein? Un gars, il va braquer et puis il donne ça à la grand-mère, ça va pas, non? Et là, il y avait une espèce d'incompréhension, mais radicale, c'est-à-dire que c'est pas possible. L'utopie sans faire sauter la caisse de la banque, ça n'a jamais existé. Vous pensez enlever une imprimerie? Que le dernier maquis soit une imprimerie, ce que nous ne pensons pas. Ou non, il faut commencer par trouver l'argent. Nous demandons que soit ajoutée l'épreuve subsidiaire du CAS. Il nous raconte des histoires. L'organisation, là, ça devenait un mot vraiment antédiluvien. Enfin, pour eux, c'était qu'est-ce que ça veut dire? Le CAS est indispensable. Pour les jeunes, c'est une révolte. Eh oh, j'ai gagné du fric rapidement et ça s'arrête là. Et c'est sûr, il faut vivre, se nourrir et sans casse. Je n'ai jamais fait de casse pour acheter des spaghettis et des œufs, c'est pas mon genre. Allez, Calcutta, on peut mettre toutes les idées de casse en participation libre avec les trois équipes. Et alors, essayez d'expliquer que ces mêmes gestes, tout ce qu'ils avaient fait, pouvaient être mis au service d'une cause et que là, ça a changé entièrement de sens et de signe. Ça, ça demandait un mois. Et finalement, on leur a demandé de traduire, de narrer sur scène leur propre aventure. Alors chacun a commencé à expliquer le pourquoi, et c'est devenu une partie de la pièce, le pourquoi de son braquage. Attention, hôpital! Silence! Interdit de scanner! Interdit de baiser! Interdit de crier! Les psychiatrisés! Ben, en on se trouve dans leur espace sonore, qui est celui de la musique et des bistrots. Ça, c'est le casse à Eric. Je connais tous les recoins. La route, je l'ai faite durant 3 mois. Le gitan que j'ai connu en prison me blanchira l'argent dans le cas où. C'est à 20 km de Pau. Les paysans viennent y faire leurs courses. À tenter autour de la Noël, c'est le moment où il y a le plus d'argent. Une demi-heure avant, je cache ma voiture dans un chemin de traverse. Il fait froid, les gens n'aiment pas sortir et personne n'y fait attention. À 19h15, les derniers employés sortent. Le calme est pesant. Je trappe mon flash de rhum et en avale une bonne rasade. Je me coiffe d'un bar et me tiens aux aguets. Ça manquait du moule. On casse notre lomurque au-dessous de Saint-Brieuc. Si on reste dans la logique du sujet, le casse devrait servir à l'entretien d'une imprimerie. La logique du sujet, je m'en fous. Attention à la pénalité. Je dis seulement que casser pour la cause, ça n'existe pas. Sauf dans une overdose. Et encore, moi ça ne m'est jamais arrivé. Là, je dois dire que je ne suis pas d'accord. L'argent facile, c'est pas toi qui le dépense. C'est lui qui te dépense. Il faut s'en débarrasser. S'en débarrasser? Alors pourquoi le prendre? Et pour donner aux copains, aux gens qui galèrent. C'est plus un casse alors. C'est l'armée du salut. Oh, vous donnez toutes les armes acquises au départ. Si on respecte votre ligne, ce n'est pas par l'argent qu'il faut commencer, mais par les armes qui vous permettent d'y parvenir. Nous sommes à Barcelone. 10h du matin. Geronimo se dirige vers la bijouterie avec l'intention de repérer. Aujourd'hui comme hier, les bijoutiers sont seuls. Comme tous les jours, ses femmes sont parties faire les courses. Geronimo est sûr qu'il y a 1 million de pesetas d'or dans cette bijouterie. Salut, toujours aussi petit? Et toi, toujours aussi grand? J'ai une idée. Et tant que tu traverses un entier, on peut faire une semaine tranquille. Il a un casse à faire. Où ça? Bijouterie, j'ai repéré. Faudrait des armes. Tu n'as pas une adresse? Quand ils sont arrivés avec les armes, les tableaux, l'argent, on a rêvé, rêvé, rêvé au million de pesetas de la bijouterie. À moi les gonzesses, les cocotiers, les orgies. Acheter une bécane et faire le tour du monde avec elle. Bonne main. Stop! Mais disons que le but, lorsqu'on allait faire une opération, c'était de mettre... À chaque carré, c'est-à-dire qu'il y avait des arrêts d'autobus, des arrêts de tram, des machins qu'on croisait à travers les villes, ou à l'entrée des villages, le fameux là où on déposait le pain, où on laissait des livres. Que la première personne qui passe par là puisse les prendre. On laissait des livres pour que les gens puissent se prendre et entrer dans le savoir. Alors, il y avait vraiment de tout. Jamais j'ai descendu deux fois à les mêmes copains pour les mêmes chemins. Et toujours pour différents chemins. Et une fois un autre, un cas, que la police, il le savait, un jour m'attrapait comme un lapin. Bon. Mais j'étais très prudent et je ne permettais pas à personne, à aucun copain, de faire du feu, de fumer pendant la nuit et de chanter. écrasé par l'histoire. Ces deux voix fantômes des nuits pyrénéennes ont essayé, contre toute évidence, d'en renverser le résultat. Mais ce faisant, sont devenus la voix du siècle. Eux, qui n'avaient jamais rien représenté, tenant par cette volonté qu'on ne peut désinscrire du ciel des pauvres, que tout va changer. Là est tombé Sabaté, l'ennemi numéro un des têtes mises à prix. Là est tombé Facerias, l'arbitre des élégances. Là, Ramon, sur le visage duquel la face de la lune se reflétait. Là, Celedonio. Là, Pepe Sabaté. Et derrière ces murs, le groupe de Venceslao. Route de vie se maintenant envers et contre tout. Là est Barcelone. Des dizaines de fois, l'imprimerie est tombée et des dizaines de fois, elle a été reconstituée. Voici venir l'heure de la grande force solaire. Timide d'abord et hésitante, elle devient plus impérieuse avec la lumière et la tiédeur croissante. Le chant n'est pas seulement hymne à la pariade. Il est activité de luxe flamboyant en force et beauté de voix, en danse étrange ou frénétique, affirmation de soi, de sa vigueur, de sa beauté, de son bonheur de vivre, de sa place dans l'univers. Car chanter pour l'oiseau, c'est aussi lancer un défi. Parce qu'à un moment donné, toute c'est l'affection, c'est-à-dire qu'une fois le sujet mis en place, alors on passe aux personnages, quels sont les personnages qui vont, etc. Alors on essaie de hein, et là-dessus, ce qui se dégage comme dramaturgie, c'est toujours des groupes de personnages. C'est-à-dire que c'est la dramaturgie classique, mais systématiquement. C'est-à-dire que c'est très difficile de les faire entrer dans un personnage du début jusqu'à la fin, le psychologiser. Quelquefois, ils sont trois à endosser le même personnage pour pouvoir démontrer que c'est leur vérité qui est la plus forte. Quelquefois, il n'y en a qu'un, quelquefois, le groupe entier, et puis qui passe d'un personnage à un autre personnage, etc. Mais disons que la dramaturgie est tout à fait différente, mais obligatoirement. On passe aussi dans un espace sonore qui est celui d'une sorte de reconstitution de fiction où on passe des sortes de caricatures à la fois de ce qu'on voit au cinéma et de comment eux le fantasmaient en participant à ce film. Le personnage de Kiko Sabaté sera interprété par les analphabètes. Sabaté, ils sont trois frères. José, tiré comme un sanglier dans les rues de Barcelone. Et bueno, aquí en la calle Trafalgar ya hubo un tiroteo. Sí. Las balas venían de allí. Y el cristal lo rasgaron. Manuel, étranglé au Garrotteville dans la prison modèle. Et Kiko, l'ennemi numéro 1, 45 ans de vie, dont 29 de militance et de guérilla. Il s'inscrit en tête dans 8275 actions illégales, dépossessions, récupérations, exécutions, justice clandestine, des premières années de guérilla. plus qu'un combat, une illumination. Mais une illumination collée à sa terre et à ses pierres. Tchécoslovaquie! Jmenuji se Michal, přišel jsem z Československa pro... Allemagne! Je m'appelle Eric, je viens d'Allemagne. Pologne! Je m'appelle Marie, je viens de Pologne. Espagne! Je m'appelle Maïté, je viens d'Espagne. Étrangers, réfugiés, apatrides, analphabètes. J'essaie, moi, déjà, à l'avance, de le proposer, à partir du sujet, des situations possibles. Imaginez une journée de Sabaté. Sabaté, c'est peut-être le plus légendaire de ces guerriers-héros, qui d'ailleurs est mort la tête écrasée à coups de pique en Catalogne. Alors, essayez d'imaginer une journée de Sabaté à Barcelone. Toito fe que me vuelve en perversia por buscar mi bienestar. Une journée de Kiko Sabaté. Ouais. Tu n'as pas dormi? J'ai dû faire des comptes. Les journaux en parlent. Tous ont gros titres. L'ennemi numéro 1 a encore frappé. Cette fois, le record. 500 000 bisetas. Ils n'ont pas mis l'important. Oh. J'avais préparé une bombe en disant aux gens qu'elle allait exploser, qu'il fallait rester à plat ventre. Juste avant de partir, j'ai mis feu à la mèche. Elle a dû fumer presque pendant un quart d'heure. Les artificiers qui l'ont désamorcée n'ont trouvé que de la poudre de charbon. Mais aussi une lettre où je disais « Je ne suis pas aussi cruel que vous le prétendez. » Signé l'analphabète. C'était ça l'important. Même aux bombes, il leur enlève la parole. Alors, le renseignement, on se mettait ensemble, on allait interroger les vieux anarchistes de Toulouse qui restaient encore, on allait voir du côté... parce que là, il y a encore une imprimerie à Toulouse qui a eu beaucoup à voir avec tous ces déplacements. Ils sont allés interroger, interviewer, aller voir tous les gens qui avaient connu Sabaté. Et tout à fait libertaire, l'utopie libertaire à 100%. Lui, son grand rêve était de monter une entreprise ici, de ramasser de l'argent pour monter une entreprise de... l'imprimerie. Legal, eh? Legal. Una grande nef, avec tous les aparells moderns i tot. I una imprimeria en su sol, que funcionaria per fer de tract, i sobretot de llibre, de formació, de milers de llibres, per distribuir gratuïtament als obriers, als usines, eh? Tu vas, en plan multinacional, eh? Disons, presque. Això, ça, c'était son rêve principal. Alors, il revenait avec le machin, voilà. Alors, chacun écrivait, faisait sa page d'écriture en fonction de toutes les personnes qu'il avait vues, qui avaient expliqué ce que c'était que ça. Et à partir de là, disons, chacun faisait sa page et on discutait de donc. Il y a un traître! Il y a un traître. Fuir. Imprimé sous le dos de tout son morceau. Habit de sac, nouvelle cachette. Habit de sac, nouvelle cachette. Pente dangereuse. Ascension rude, pente dangereuse. Revivre. Morceau plus morceau. Morceau plus ensemble. Morceau. Fragile. Ensemble. Tourner, fragile. Frapper, marquer, tourner, inscrire, frapper, plus marquer, inscrire, plus de vivre. Deux seulement reviennent. Sur 10 de la veille, deux seulement reviennent. Fusillés, innocents, innocent. Réunion secrète. Nous sommes là. Fuir, fuir. Impossible, cette, impossible fois. Cette fois. Ermitage dans les locaux de la police. Ermitage dans les locaux de la à police. À la casse comme eux, à la casse les imprimeurs. Comme eux, les imprimeurs. Les étoiles, tout comme les étoiles, tout comme nous, sont promises à la mort. Les mots qui nous disent, les mots qui nous disent, et ce que nous disons. Dégradés, obsessifs, reviennent à tort et à travers. Supportent le poids du monde sur les épaules. Les Pyrénées de nouveau. Je suis l'autre machine. L'imprimerie de remplacement. Je continue. Papier, encre. La chute n'est pas la défaite. Mais l'annonce d'une autre machine. Moi qui ne rouille jamais. Qui avait expliqué ce que c'était que ça. Et à partir de là, disons, chacun faisait sa page et on discutait. Donc, une fois que chacun avait lu ses pages, la journée de Sabaté, heure par heure, comment chacun la voyait. Et on mettait tout ça ensemble et puis on discutait. Là, il y a des zones d'ombre, là, des zones de lumière, là, des possibilités, etc. Alors le bazooka que vous avez en haut, tu diras à ton mari voyageur qu'il en construise 10, sur exactement le même modèle. Je vous fournirai les obus. Ils sont pleins de tracts. Tu le fais partir de Montruic et ils se répandent dans la ville. Tu peux même le faire marcher de l'intérieur d'un taxi. Tu n'auras pas à mentir. Tu diras que c'est pour l'anniversaire de la victoire de Franco. Et ce jour-là, Barcelone doit être entièrement couverte de notre parole. Tu es un curieux personnage, compagnon Sabaté. Parce que c'était le verbe, c'était l'expression qui était le fondement même de l'action de ces anarchistes, et quelquefois même repoussés par les mouvements anarchistes qui trouvaient qu'ils prenaient un peu trop de liberté. Hein. Mais donc ces Sabaté, ces Facerias, qui étaient dans ce type d'action, lorsqu'ils faisaient un attentat à Mermet, en général, c'était pour pouvoir payer l'imprimerie qui venait d'être saisie, d'être arrêtée. Et il y en a eu comme ça des dizaines d'imprimeries qui se sont faites parce que l'argent était rapporté en France, on achetait l'imprimerie, qu'on mettait en morceaux et cette imprimerie était portée à sacs, dans des sacs sous le dos à travers de Toulouse à Barcelone et puis reconstituée morceau par morceau. Et ce que, disons, pour eux au départ n'était qu'un attentat en armée devenait une épopée du verbe, une épopée de la parole, du mot et écrit. Je suis tué, il est si somme. Je suis qui remplace à nos sens. J'étais tué, il est si somme. Prenons des mots stratégiques. Je serai qui vous êtes. Personne ne sera. Y puede tener ningún resultado. José Luis Facerias, 37 ans de vie, 9 ans de camp de concentration comme prisonnier républicain, 10 à peine sorti des camps comme guérillero. L'un de ses noms de guerre, Petron, l'arbitre des élégances, le dit toujours habillé avec goût. Très romantique, mais capable de vider son chargeur avec un calme déconcertant. Fait pour vivre dans la légende. Il est vrai, et cocasse presque autant que Sabaté, il préférait les expropriations dans les lieux de luxe, maisons de rendez-vous, clubs de proxénètes, rencontres raffinées qui ne portaient jamais plainte. Toujours amoureux, mais toujours en état de rupture. Sa plus grande joie, être avec les animaux et les enfants. Pour eux, il a organisé, avec l'aide involontaire des banques italiennes, les camps de vacances de Carrare. Derrière les drames sentimentaux et les joies enfantines, une blessure. Sa femme, 18 ans, et sa fille, un an, tués à la mitrailleuse sur les routes de la défaite. Miroir de José Luis Facerías, c'est-à-dire mon miroir. Lorsque vous regardez dedans, qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'y vois la Garonne avec une bouteille qui flotte. Depuis le temps, surtout dans les quartiers périphériques, on connaît cette bouteille et l'on sait qu'il y a un message dedans. Parfois, on se demande même ce qu'il pourrait y avoir d'écrit. Tous sont persuadés que le message est de Facerías et que sa signature est peut-être encore lisible. La la la la la la la, comme elle ne représente rien au hit parade, la bouteille et son message risquent de rester encore longtemps à flotter là, entre deux eaux. Le seul jour où Facerías n'a pas eu de chance, il est allongé à terre, transpercé par 9 balles. À la main, une grenade qu'il n'a pas eu le temps de dégoupiller. C'est une journée d'août, juste un peu avant midi. Au moment où la lumière de Barcelone voile plutôt les choses qu'elle ne les accuse. Tout était désert quelques instants auparavant. Dans ce désert, rien que 200 fusils ont craché de derrière les fenêtres de la rue Pie-Moliste. Qui l'a dénoncé pour une telle mise en scène? Ce n'est plus une embuscade, c'est du tir au pigeon multiplié par combien de visages de délateurs? Par-dessus, un mausolée, le silence de ses amis. Facerías, se regarde dans ce silence et que voit-il? La défaite. La défaite, c'est nous. Nous appartenons au monde de vaincus. Ils restent leur nom dans leur visage d'alors. La sentence de mort n'est pas entrée. Elle est restée au-dedans. Flamme blanche, mort, exil, prison, image après image, ils ont traversé tous les moments du portrait robot. La triangulation est née d'eux avant de se multiplier. Les montagnes que traversent les révolutions perdues continuent à dérouler leur soliloque en dehors de toute commémoration. Ceux qui, contre toutes les haltes, se sont voulus trajet entier, voient les portes se refermer lorsque le chien de la mémoire s'aventure sur les ziggurats pyrénéens qu'ils ont eux-mêmes tracé une imprimerie sur le dos. La triangulation, ils l'ont continuée avec le garrot et la rafale en pleine rue. La bataille, tous croient l'avoir gagnée, eux seuls l'ont perdue. Impossible de retrouver les siens parmi les siens, de s'y nommer. On les voit, avec l'éternel part en trop, soudain mûrir dans une parole et avancer dans la nuit des robots. Mais qui avance avec eux? Dernière proposition, restant en compétition comme dernier maquis, le château de Frankenstein, par les relégables, les psychiatrisés et les analphabètes. Yeah! Yeah! Attention, hôpital! Silence! diagnostic analphabète. Bonjour. Bonjour, professeur. Nous sommes prêts. Faire concurrence à Dieu. Quelle aventure. Qui sont-elles? Les cobayes volontaires. Et eux? Les volontaires cobayes. Faudra me redécouper tout ça. D'après les renseignements que nous avons obtenus? Évidemment. Lesquels? Coupage, redécoupage, amputation, greffe, saignée. Ajout de Voronoff, mis en œuvre par la génération précédente pour refaire le monde, l'homme, le cousu qui découd et qui recoud. Où avais-je la tête? Sur les épaules, mais est-ce bien le bon endroit? Vous voulez la vérité? Toute la vérité? Nos prédécesseurs n'ont inventé que des monstres, professeur. Le château de Frankenstein lui-même? Je vous arrête. Le château de Frankenstein n'est pas qu'un assemblage de séquences cinématographiques. Il a obtenu son brevet de mythe. Oserais-je dire que ça nous a paru beaucoup plus complexe? Celui-là, il dit que le château de Frankenstein se trouve en Tchécoslovaquie. Faites-le venir. Le jour où ça devait être présenté, je vous parlais du public déjà tout trouvé à l'avance. Ah oui, là-dedans, tous ces gens qui s'étaient mis, ils étaient tous là, tous. Ils étaient tous là. Et alors, la pièce se terminait, et eux étaient conscients de l'enjeu à ce moment-là. Les loulous et les louloutes de cette aventure étaient très conscients de l'enjeu. Et alors, la pièce terminait sur le fait qu'à un moment donné, les endroits, les blessures sur ce corps du guerriero, était mort d'une rafale ici, l'autre était tombé parce que... Avec etc. les morceaux qu'il vous reste, autant d'organes vitaux d'un corps d'autrefois devenu cadavre, nous allons essayer de créer ce soir un être composite d'une étonnante liberté. La cohabitation entre hommes a toujours été difficile. À plus forte raison, la cohabitation entre leurs morceaux. Nous allons prendre dans chacun des guerriers ce qui fait notre chance. Notre programme, sélectionner, choisir, recoudre ensemble et essayer de lui donner vie. Et alors, ils construisaient peu à peu, partant des jambes, des pieds, etc., de ce corps. Ils essayaient de faire une espèce de corps du guerriero, je ne dirais pas, mais un corps mystique, puisqu'il était de chair, d'os, etc., de la blessure par laquelle la vie était partie. Le pied de Sabaté, tournant toujours le talon au groupe, quel qu'il soit, même ce qu'il aime. L'autre pied, celui de Ramon, le premier à avoir tracé le trajet de la guerre fantôme à travers la montagne et qui en a décollé le dernier. La tête de géant foudroyé de Ramon, une communauté solitaire et secrètement ouverte à tous, avec le feu toujours présent. Tentant la réflexion qui pourrait nous sortir de l'histoire. Le ventre transpercé de Ramon, par où la vie s'en va durant toute une nuit d'été. Chaque blessure étant un regard fixé sur les étoiles, bien avant l'aube. Épaule de Sabaté, dans la longue lignée des Romontagnes, soutien du monde. Épaule sciée par les bretelles du sac, transportant une partie de l'imprimerie, toujours à recomposer. Poitrine de Sabaté, sortant de la salle d'oppression de Dijon où il est assigné à résidence. Désespoir, jamais plus il ne croisera les Pyrénées. Mais à peine rétabli, il part où la mort d'autres l'attend. Bras de Facérias, tendu au sommet des montagnes, indique à le trajet comme un problème vacant qui attend son langage. Jambe fracassée de Facérias, sur laquelle, une journée d'août à 11h30, il a pivoté pour sauter dans la mort face à l'hôpital psychiatrique Saint-André. Le bras de Sabaté. Alors, chacun devenait un morceau du corps de ce guerriero et essayait de construire. Ce guerriero, c'est une espèce de structure gigantesque qui était là depuis le début. Et il montait, un passe dans la tête, l'autre dans les épaules, l'autre les bras, l'autre les mains. Tout en force, appartenant au monde ingénu, amer et merveilleux des êtres perpétuellement en marge, cultivant sa singularité et à certains moments son ridicule. La main de Facérias, refermée sur la grenade qui n'a pu dégoupiller, pour avertir les enfants de ces camps de vacances qu'il arrivait. L'autre jambe de Ramon, chevauchée, le tour de la terre, trop rapide pour ceux qu'il guide, d'où son nom de Passos Largos. Etc., les jambes, etc. Ils essayaient de devenir ce guerriero. Et à un moment donné, à la base, sortait un qui présentait le pied et le guerriero se défaisait, chacun avec son morceau à la main. Ça. Et alors, a avancé vers le public et disait ce guerriero, ces morceaux de guerriero, que nous avons essayé d'être, c'est nous. Les morceaux de ce guerriero que nous n'avons pas pu coller ensemble, c'est nous. Vous en voulez ? Vous en voulez ? Et à ce moment-là, ils se lèvent tous d'un seul coup. Oui ! Aujourd'hui, sans eux, c'est sans nous. Nous, c'est déjà le spectateur. Le spectateur, peut-il, à travers les morts de la guerre civile, plantés aux quatre coins du monde, devenir son propre spectacle ? Une part engoulevant de l'été de l'anarchie. Une part alouette, montant à la verticale, des lieux de la tuerie. Une part oiseau migrateur, faisant le tour du monde. Une part rouge gorge dans la rigueur hivernale. Toujours une part en trop. Avec la brise du soir, les sons ont repris. Le rossignol a chanté encore par fragments de strophes. Le loriot lui aussi a chanté une dernière fois. Des voix après la sienne sont montées dans la paix du soir, discrètes, rares, comme imprégnées de silence et de nuit. Le merle a tenu la scène pendant quelques instants. La grive semblait attendre qu'il eût fini pour dire à son tour sa chanson sautillante. Des coucous au loin ont répété la double note familière qui prend à cette heure une étrange poésie. Puis, l'obscurité grandissant, le rouge-gorge, à deux reprises, lance sa note, qui déjà fait penser au soir d'automne. Enfin, un bruit étrange, celui d'un rouet que tournerait une fileuse, tantôt proche, tantôt lointain. Le chant de l'oiseau de rêve, l'engoulevent, dont le vol ouaté hante les clairières à l'heure indécise. ACR, Atelier de création radiophonique. Le principe écriture, Armand Gatti. Les arbres à la conquête du ciel. Premier temps, les pronoms personnels. Par Hélène Châtelain.